La folie tourne autour des astres. J'suis de l'époque, la violence et des désastres. J'ai des potes qui seront riches en silence, à pousser des arbres. Ceux qui leur veulent du mal, j'vais leur proposer les armes. Ça s'appelle le mal par le mal. J'entaille et mets du sel dans les entrailles. L'homme est malade de vengeance. C'est plus un sentiment, mais une façon de vivre qui engendre la rage, le mensonge. Des rêves qui sont bien des têtes qui font fondre. Mélange l'eau au bicarbonate, deviens-en un automate. Prends ta vie pour du crack. Autodestruction. Y'a du monde qui salope leur vie dans mon champ de vision. Au fond des ravins comme les bisons. J'suis là pour le meilleur et pour le pire, le reste j'peux pas le dire. Autodestruction. C'est les premiers signes du désordre. La bêtise de l'homme, la bêtise des grosses sommes. Certains prennent la vie pour une grosse conne. Hey! Sur la terre pour rire et pleurer. Toujours libre de penser. Autour de moi ça bouge vite. Autour de moi ça bouge vite. Enfin je vois l'éclaircie après l'hécatombe. Parce que Paris c'est à un rythme fou que les gars tombent. Cache, drogue et vengeance. De la naissance à la tombe, oublie le reste car le respect c'est tout ce qui compte. C'est l'autodestruction, suis les instructions. Si tu veux pas crever, il faut que t'écoutes tes pulsions. La planète brûle, beaucoup devenus séquelles. Transpercé par la drogue, ils se tirent en bas de la tour Eiffel. Ça fait longtemps que le fléau a pris de l'ampleur. La désintox, la prison, la mer en pleurs. Ceux qui s'en sortent se retrouvent maganés. T'envoies de toutes les sortes dans ton monde de camé. Les gars tombent. Les filles se dévergondent, y'a plus d'espoir quand la terre sombre. C'est la guerre sur les postes de télévision. C'est la mort, la déchéance, gros en prévision. Autodestruction. C'est les premiers signes du désordre. La bêtise de l'homme, la bêtise des grosses sommes. Certains prennent la vie pour une grosse conne. Hey! Hey! Être sur la terre pour rire et pleurer. Toujours libre de penser. Autour de moi ça bouge vite. Discours de famille, profites-en de la famille. Parce qu'en mai c'est la guerre des machines. C'est l'équipe puis pour le reste bah c'est la famille. Histoire de famille. L'Epsiron Brother.